الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait vu trois hadiths. Saint Munir. Le premier est le hadith de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, qui se propose pour nous le réciter. Tadam. في الصلاة. في الصلاة. حتى نزلت أقوم لله قانتي. فأمرنا بالسكوت. نعينا. نهينا. نهينا عن الكلام. أحسنت. بارك الله فيك. الحديث عبد الله بن عمر إذا أبو هريرة رضي الله عنه. كينو لو غسيل. إبراهيم. Qui d'autre? Abitao? Tfadal. فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أحسنت. بارك الله فيك. إلى داني حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أحسنت. بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. Chapitre de rattraper la prière passée et de le faire rapidement. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري رواه البخاري ومسلم ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها رواه مسلم. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui oublie une prière, qu'il l'accomplit alors, au moment où il s'en rappelle, point de compensation vis-à-vis d'elle, autre que cela. » Et il a récité la parole d'Allah azawajal et accompli la prière lors de mon rappel. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et accomplit la prière pour mon rappel. Et dans une version de Muslim, celui qui oublie une prière ou qui a dormi pendant celle-ci, alors la compensation vis-à-vis d'elle est de la prier au moment où il s'en rappelle. Hadith rapporté par Muslim. Al-ma'na al-ijmali. As-salatu laha waqtun muhaddadun fi awwalihi wa akhirih. La yajuzu taqdimu as-salati qablah. كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد. فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها، ولا يجوز تأخيرها، فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها. ولذا قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها. Le sens général du hadith. La prière a une heure bien précise qui définit son début et sa fin. Il est interdit de précéder la prière avant son heure, comme il est interdit de la retarder après son heure, ceci de façon volontaire. Si l'on dort pendant cette prière, ou que celle-ci a été oubliée jusqu'à ce que son heure soit sortie, alors il n'y a pas de péché pour cette personne, car elle a une excuse. Et cette personne doit s'empresser de rattraper et de prier celle-ci au moment où il s'en rappelle. Et il lui est interdit de la retarder, car sa compensation, la compensation du retard de cette prière est le fait de s'empresser à l'accomplir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit: et accomplis la prière pour mon rappel. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cité ce verset dans cette situation et dans ce cas de figure prouve que le sens de ce verset est que la prière doit être faite au moment où l'on s'en rappelle. اختلاف العلماء. اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها؟ فذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم، وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur l'obligation de s'empresser à faire la prière lorsque l'on s'en rappelle. Et est-il autorisé de la retarder ? C'est-à-dire est-il autorisé de retarder le fait de faire la prière après s'être rappelé. La plupart des savants sont de l'avis qu'il est obligatoire de s'empresser à accomplir cette prière. Parmi eux, les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Ahmed, et ceux qui les ont suivis, rahimahumullah. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, est lui de l'avis qu'il est préférable de l'accomplir sur le champ et qu'il est autorisé de la retarder. واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور لصلوه في مكانهم. Et la preuve de l'imam Shafi'i, rahimahullah, sur le fait que de prier sur le champ une prière oubliée ou dans laquelle, ou pendant laquelle on a dormi, que cela est préférable et qu'il est autorisé de la retarder. Quand on dit retarder, c'est la retarder de son heure. Non, de retarder après s'en être souvenu, car l'heure est déjà passée. Sa preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dormi un jour avec ses compagnons, ils n'ont pas prié dans l'endroit où ils ont dormi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'amener leur monture dans un autre endroit dans lequel ils ont prié. Et si le fait de prier juste après s'être rappelé était obligatoire, ils auraient alors accompli la prière dans quel endroit? Dans l'endroit où ils ont dormi et pas dans un autre endroit. واحتج الجمهور بحديث الباب حديث حيث رتب الصلاة على الذكر وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو تكثيرها ونحو ذلك هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وفند الرأي القائل بجواز التأخير. Et la preuve de la majorité des savants est le hadith actuel, le hadith de Anas ibn Malik, de prier au moment où l'on s'en rappelle. Car ici, car dans ce hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la prière au moment où l'on s'en rappelle. Et ils ont répondu à la preuve de l'imam Shafi'i rahimahullah que le fait de demander à ce que la prière soit faite de suite après ne signifie pas qu'il est interdit de la retarder de peu s'il y a une raison à cela. S'il y a des raisons qui permettent entre autres de faire la prière d'une façon plus complète. Ainsi, il est autorisé de retarder cette prière, de retarder de peu bien sûr, pour attendre un groupe, pour attendre que le groupe se forme, ou que un grand nombre se réunisse, ou toute autre raison qui justifie que la prière soit faite de façon meilleure. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a explicité cela dans son livre As-Salah et a rendu faible l'avis qui autorise de retarder la prière. واختلفوا في تاركها عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أم لا أو لا هل يقضيها أو لا وسألخص هذا الموضوع من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة فقد أطال الكلام فيه. Et les savants ont également divergé sur celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son heure sorte. Doit-il la rattraper ou non? Celui qui la délaisse de façon involontaire, soit par oubli, ou soit parce qu'il dormait, on a dit qu'il doit la rattraper. Et l'avis le plus sûr, Allah alam, c'est qu'il doit le faire le plus vite possible. Ensuite, le deuxième sujet est celui qui délaisse la prière, mais cette fois-ci de façon volontaire. Doit-il la rattraper ou non? Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, a dit qu'il va résumer ce sujet de la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah qui a explicité ce cas de figure de façon précise dans son livre As-Salah. Donc ici, les paroles qui vont venir sont un résumé de Cheikh al-Bassam. Il résume la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah. قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله وقال الطائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل له إلى قضائها أبدا ولا يقبل منه وعليه أن يتوب توبة نصوحا فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات. انت رحمه الله Les savants sont d'accord sur le fait que celui qui délaisse la prière de façon volontaire jusqu'à ce que son heure sorte a commis un immense péché. Mais l'avis des quatre imams est l'obligation de rattraper celle-ci et qu'il mérite un châtiment sauf si Allah Azzawajal lui pardonne. Donc l'avis des quatre imams est que la prière doit être rattrapée, mais que le péché est toujours présent et que la personne est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf bien sûr si Allah azawajal lui pardonne. Et une autre partie des savants, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis, ont dit que celui qui retarde la prière de façon volontaire jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure sans excuse, alors il n'a pas à la rattraper. Et cela ne sera pas accepté de lui. Même s'il la rattrape, cela ne sera pas accepté de lui. Mais ce qu'il doit faire est de se repentir d'un repentir sincère et de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal de façon en grande quantité et également d'accentuer les prières surérogatoires. استدل موجب القضاء بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناس والنائم وهما معذوران فإجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق وهو وأصحابه ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر ابن عبد البر. Quelle est la preuve de ceux qui disent qu'il est obligatoire de rattraper la prière pour celui qui l'a délaissée volontairement? La preuve est qu'il est demandé ou qu'il est obligatoire à celui qui dort et à celui qui a oublié de rattraper la prière. On est d'accord. Alors qu'ils sont excusés. Ils disent alors celui qui n'est pas excusé, eh bien, il est encore plus obligatoire pour lui de la rattraper. Et ils ont également pour preuve le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'asr après l'heure du Maghrib, lors de la bataille de l'Khandaq, lui et ses compagnons. Et ce qui est connu est que les compagnons ne dormaient pas et n'étaient pas distraits, car ils étaient en plein combat. Et si certains étaient distraits, les autres ne l'étaient pas. Et parmi les imams qui ont soutenu cet avis, il y a l'imam Abu Umar ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala. Wa min al-dhahibina ila adam al-qada' al-zahiriyah, wa shaykh al-islam ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa qad atala fi kitabihi al-salah fi sawq al-adillah, wa radda hujaj al-mukhalifin, wa min tilka al-adillah, al-mafhumu min hadha al-hadith, فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم والناس ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما وأن أوامر الشرع على قسمين مطلقة ومؤقتة كالجمعة ويوم عرفة فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها ومنها الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أم لم يدرك شيئا والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها ولو كان هناك رخصة لأخروها ليؤدوها بشروطها وأركانها التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة وما يشترط فيها. Et ceux qui sont de l'avis que la prière de celui qui l'a délaissée volontairement jusqu'à ce que son heure sorte ne doit pas être rattrapée, et l'avis de Al-Zahiriya et de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, également de son élève Ibn al-Qayyim rahimahumullah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, toujours dans son livre As-Salah, a cité les différentes preuves qui appuient cet avis et a répondu aux autres preuves de ceux qui le contredisent. Et parmi ces preuves, ce que l'on comprend du hadith, c'est-à-dire du hadith de Anas, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de rattraper la prière pour celui qui dort ou qui a oublié. Et l'on comprend de ce hadith que si c'est obligatoire pour ces deux-là, ce n'est pas obligatoire pour les autres. Et il dit aussi, rahimahullah, que les commandements en islam sont de deux sortes. Il y a des commandements ou des ordres qui sont généraux, c'est-à-dire qui ne sont pas restreints à un moment précis, et il y a d'autres jugements qui sont restreints à des moments précis, comme le Jumu'ah, comme le jour de Arafah. Le Jumu'ah, si tu le fais après l'Asr, est-ce que c'est valable? Non. Le Jumu'ah se fait à l'heure de Dhuhr, le vendredi. Pareil pour le jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est le 9e. Ce n'est pas le 10e jour de Dhul Hijjah, ou ce n'est pas le 8e. Ainsi, parmi ces adorations qui ne sont acceptées que dans فَمِثْلُ هَذِهِ الْعِبَادَةُ تُقْبَلُ إِلَّا فِي أَوْقَاتِهَا. Ce genre de d'adorations ne sont acceptées que lorsqu'elles sont faites à leurs heures respectives. Et là, وَمِنْهَا الصَّلَاةُ الْمُوَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ. Et font partie de ces adorations la prière qui est retardée de son heure sans excuse. Ainsi, elle n'est pas acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui attrape ou celui qui prie une raka'a de l'asr avant que le maghrib, avant que le soleil ne se couche, alors rattrapé à l'asr. ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء ندرك ركعة أو أقل من ركعة. Et on comprend de ce hadith du prophète sallam que les horaires de la prière sont précises. Pour ça que le prophète sallam a dit, celui qui prie une raka de l'asr avant que le soleil se couche, il a alors attrapé à l'asr. C'est-à-dire que s'il l'avait fait après que le soleil se couche, il n'aurait pas attrapé l'heure de l'asr. Ce qui prouve également l'importance de l'heure, c'est que ceux qui combattent, il leur est ordonné de prier même pendant le combat. Tout ceci afin d'encourager à faire la prière à son heure. Et s'il y avait une quelconque dérogation, eh bien cette dérogation aurait été donnée à qui? À ceux qui combattent. Afin qu'ils puissent accomplir la prière en respectant tous ses piliers et toutes ses conditions. Car celui qui combat, est-ce qu'il respecte tous les piliers et toutes les conditions de la prière en combattant? Je sais pas s'il a des ablutions ou pas. Il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être en guerre, d'avoir un ennemi en face. Et on a vu les différentes façon de faire les prières, la prière de la peur notamment, qui sont pour la plupart des prières courtes et incomplètes. Il y a des prières où il y a une seule raka'a, que tu fais une seule raka'a, que tu repars, et, etc., etc. Et la personne ne peut pas, en combattant, mettre en pratique l'ensemble des conditions et l'ensemble des piliers de la prière. Mais cela ne veut pas dire que sa prière n'est pas acceptée. Sa prière, elle est acceptée, mais ce que l'imam Ibn al-Qayyim veut faire comprendre, c'est que l'heure, comme il le dit après, ce qui prouve que de prier à l'heure prévaut sur tout ce qui est obligatoire ou toutes les conditions de la prière. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on prie en état de peur, on ne peut pas faire toutes les obligations, tous les piliers et toutes les conditions de la prière. Ceci pourquoi ? Dans le but de faire sa prière à l'heure. Donc de faire la prière à l'heure prévaut sur le fait d'accomplir tous les piliers et toutes les conditions. Donc c'est une chose extrêmement importante. Ainsi, lorsque la prière est faite en dehors de son heure, elle n'est pas acceptée. Si cela est fait, bien sûr, de façon volontaire. وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِ قَضَائِهَا مِنَ الْمُفْرِطِ فِي تَأْخِيرِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ فَلَيْسَ لِأَنَّهُ أَخَفُ مِنَ الْمَعْذُورِينَ مِنَ الْمَعْذُورَيْنِ فَإِنَّ الْمَعْذُورِينَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ لَائِمَةٌ فليس لأنه أخف من المعذورين فإن المعذورين ليس عليهم لائمة وإنما لم تقبل منه عقوبة له وتغليظا عليه وقد بسط رحمه الله القول فيها فمن أراد استقصاء ذلك فليرجع إليه وأما كلام شيخ الإسلام في الموضوع فقد قال في الاختيارات وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن في كتابه الروضة الندية وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. Et quant au fait que celui qui rattrape la prière, qu'il a délaissée de façon volontaire, n'est pas accepté de lui, ceci ne veut pas dire qu'il est moins ou qu'il a fait une chose moins pire que ceux qui sont excusés. Car on a vu que parmi les preuves de ceux qui disent que l'on doit faire la prière, c'est que la prière doit être faite pour celui qui est excusé, donc celui qui n'est pas excusé doit de surcroît la faire. Vous comprenez ou pas ? Ou faut expliquer ? Faut expliquer ? Très. Entre une personne qui est excusée, qui a dormi ou qui a oublié, et une personne qui a délaissé volontairement, laquelle mérite le plus de rattraper ? Laquelle mérite le plus de rattraper la prière ? Celui qui l'a fait volontairement. C'est celui qui l'a fait involontairement, il a oublié, c'est sorti de son esprit, il a dormi. Donc si on devait dire à l'un d'entre eux de rattraper la prière, on l'aurait dit à celui qui l'a délaissé volontairement. Et les savants ont dit, les premiers, ceux qui disent que l'on doit rattraper la prière même si on l'a délaissé volontairement, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rattraper la prière à ceux qui sont excusés. Donc, de surcroît, on doit l'ordonner également à ceux qui ne sont pas excusés. Et l'avis, l'autre avis où les savants disent que celui qui l'a délaissé volontairement ne doit pas la rattraper, ils disent qu'il ne la rattrape pas, non pas parce qu'il a fait, parce qu'il est plus excusé que les autres, ou parce qu'il a fait une chose moins grave que les autres, bien au contraire, on lui dit de ne pas la rattraper parce que cela est un châtiment et une punition pour lui. Cela est un châtiment et une punition pour lui. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a vraiment explicité cela, et Cheikh al-Bassam rahimahullah conseille de revenir à son livre, au livre de l'imam Ibn al-Qayyim, As-Salah. Quant à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit dans son livre Al-Ikhtiyarat, les choix, que celui qui délaisse la prière volontairement, il ne lui est pas légiféré de la rattraper, et elle ne sera pas acceptée de lui. Bien au contraire, il doit faire beaucoup de prières surérogatoires, et c'est la parole de certains salafs comme Abu Abdurrahman, le compagnon de Shafi'i, rahimahullah, comme Daoud et ceux qui l'ont suivi, et il n'y a pas de preuve qui vient contredire cet avis. Il n'y a pas de preuve qui vient contredire cet avis, bien au contraire, les preuves viennent le soutenir. Et parmi les savants également qui ont soutenu cet avis, à savoir que celui qui la délaisse volontairement ne doit pas la rattraper, il y a Cheikh Siddiq Hassan Khan, rahimahullahu ta'ala, comme cela a été cité dans son livre Ar-Rawdatu An-Nadiyah. Et Cheikh Al-Bassam dit, c'est ce que j'ai voulu résumer sur ce sujet, et Allah Azza wa Jal est plus connaisseur de la vérité. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام أولا وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم عند ذكرها. Ce qu'on retient du hadith comme jugement. Premièrement, l'obligation de rattraper la prière pour celui qui dort ou celui qui a oublié au moment où il s'en rappelle. ثانيا وجوب المبادرة إلى فعلها لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها. Deuxièmement, l'obligation de s'empresser à accomplir cette prière, car de la retarder après s'en être rappelé est un manquement vis-à-vis de celle-ci. ثالثا عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك بأن ينام بعد دخول الوقت أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سببا يوقظه في وقتها والكفارة المذكورة ليست عن ذنب ارتكب وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غير عن تركها فعل غيرها من إطعام وعتق ونحو ذلك فلا بد من الإتيان بها. Troisièmement, ce que nous retenons comme jugement de ce hadith. Et troisièmement, qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché à celui qui a retardé la prière en ayant une excuse, comme l'oubli et le sommeil, tant qu'il n'a pas commis de manquement à ce sujet. Comment aurait-il pu manquer à ce sujet? Le cheikh explique en disant, comme le fait de dormir après l'entrée de l'heure. Comme le fait de dormir après l'entrée de l'heure. Ici, est-ce qu'on considère qu'il a dormi pendant la prière? Celui qui dort à Zohr, par exemple, il a une heure, il dort à une heure et demie. Et il se réveille à 5 heures. Est-ce qu'il est excusé ou pas? Non, parce qu'il a dormi alors que l'heure de la prière est déjà entrée. Non. Ou bien, de savoir qu'il ne se réveillera pas et qu'il n'a pas mis en œuvre les causes pour le réveiller. Il est très fatigué. Il sait que s'il dort, il ne se réveillera pas tout seul. Il ne pourra se réveiller qu'en mettant son réveil, en réglant son réveil. Mais il ne l'a pas fait. Ici, il a commis un manquement. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas se réveiller. Il savait qu'il n'allait pas se réveiller et il n'a pas mis en œuvre les moyens qui vont lui permettre de se réveiller, soit de régler son réveil, ou soit de demander à quelqu'un de sa famille de le réveiller à telle et telle heure. D'accord? Donc ici, le cheikh donne vraiment des condition, il ne faut pas que le sommeil soit pris comme une ruse pour délaisser une prière. Il faut que ce soit naturel, que la personne ait dormi et que ce n'était pas volontaire du tout de sa part de dormir pendant l'heure de la prière jusqu'à ce que celle-ci sorte de son heure. Et il dit, rahimahullah, et quant à la compensation qui a été citée, à savoir de prier la prière au moment où l'on s'en rappelle. C'est ça la compensation de celui qui a délaissé la prière par oubli ou par sommeil. Quand on dit compensation, ici le cheikh dit ce n'est pas une compensation vis-à-vis d'un péché qui a été commis. Parce qu'ici il n'y a pas de péché qui a été commis. Donc c'est une compensation, ici le cheikh dit, وَإِنَّمَا مَعْنَ هَذِي الْكَفَارَ أَنَّهُ لَا يُزِيُ عَنْ تَرْكِهَا فِعْلُ غَيْرِهَا. Mais le sens de cette compensation est que elle suffit, le fait de faire la prière juste après suffit pour compenser le retard. Autrement dit, il n'y a ni besoin de nourrir un pauvre, il n'y a ni besoin d'affranchir un pauvre ou de faire toute autre chose qui sont des compensations dans d'autres adorations. Mais concernant ce sujet, le simple fait d'accomplir la prière au moment où on s'en rappelle, eh bien, est une compensation de ce retard. Wallahu a'lam. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة رواه البخاري ومسلم. Puis le cheikh ouvre le chapitre de l'autorisation qu'une personne qui accomplit une prière sur le rogatoire prie en tant qu'imam et derrière lui des personnes qui prient une prière obligatoire. Le hadith 112, afwan. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il dit que Mu'ad ibn Jabir radiyallahu anhu priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'Isha, puis retournait chez son peuple et priait avec eux cette même prière. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-ma'na al-ijmali. كانت منازل بني سلمة جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة بحقه فريضة بحق قومه وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه. Le sens général du hadith. Les maisons de Bani Salama, le peuple de Mu'ad ibn Jabal al-Ansari était à l'extérieur de Médine. Et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu avait une grande motivation dans l'accomplissement du bien. Et il était assidu pour prier en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après avoir accompli la prière obligatoire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait, retournait chez son peuple et priait en présidant la prière, cette même prière. Il priait avec son peuple, non pas derrière un imam, mais c'était lui, l'imam. Fayusalli bihim. Quand on dit fayusalli bihim, c'est-à-dire c'est lui qui a présidé la prière. Il retournait vers son peuple et présidait la prière. Elle était pour lui une prière surérogatoire et elle était pour eux, c'est-à-dire pour son peuple, obligatoire. Et ceci était fait en connaissance de cause de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce que Mu'ad radiallahu anhu faisait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé dans cela. اختلاف العلماء اختلف في صحة الإمامة المتنفل بالمفترض فذهب الزهري ومالك والحنفية إلى عدم صحة ذلك وهو المشهور عن الإمام أحمد واختاره أكثر أصحابه مستدلين بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه انتفق عليه واختلاف نية المأموم عنه اختلاف عليه وذهب عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أنها تصح واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلين بحديث معاد الذي معنا فإنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur la validité de l'imama d'une personne qui prie, qui préside une prière alors qu'elle est pour lui surrogatoire et pour ceux qui sont derrière lui obligatoire. Az-Zuhri, l'imam Malik et Al-Hanafiyya sont de l'avis que la prière n'est pas valide. Et c'est ce qui est connu d'après l'imam Ahmad, rahimahullah, et c'est ce qu'ont choisi la plupart de ses compagnons. Et ils ont pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam est présent pour être suivi. Ne divergez pas avec lui. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ils disent que la divergence d'intention de ceux qui prient derrière lui est une divergence vis-à-vis de l'imam. Considère que ceux qui prient derrière, qui pour eux est obligatoire, l'imam prie une prière surrogatoire, il y a donc une différence entre l'intention de ceux qui prient et de l'imam. Ainsi, cela entre dans le hadith où le professeur Hassan a dit « ne divergez pas avec lui » en parlant de l'imam. Et « Ata al-Awza'i al-Shafi'i Abu Thawr » et c'est également une version forte de l'imam Ahmad, que la prière est valide. Et c'est également ce qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ils ont pour preuve le hadith de Mu'ad ibn Jabal, que l'on explique actuellement, qui priait la prière obligatoire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, puis allait chez son peuple et présidait la prière avec eux. ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل فلابد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة منها أن الأولى التي برئت بها الذمة هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافلة وصلاته مع قومه في مسجدهم هي الفريضة وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد. الشيخ البسام دي رحمه الله et ce qui est connu est que l'une de ces deux prières était surrogatoire. En parlant des deux prières de qui ? De Mu'ad ibn Jabal. L'une de ces deux prières était surérogatoire. Les deux ne peuvent pas être obligatoires. Car le prophète Sam a interdit de faire une prière obligatoire deux fois le même jour. On n'a pas le droit de faire dhuhr deux fois, al-asr deux fois, non. La prière obligatoire, tu l'as fait une seule et même fois. Ainsi, il y a une des deux prières de Mu'ad ibn Jabal qui était surérogatoire. Et ici, le Cheikh al-Bassam dit, rahimahullah, et il est obligatoire que celle qui était surérogatoire soit la dernière. Autrement dit, celle qui faisait, celle qui présidait avec son peuple. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, que أن الأولى التي برئت منها الذمة que la première qui doit être enlevée de sa responsabilité, qui est la prière obligatoire, était celle qu'il faisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, que il ne pouvait pas prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam une prière surérogatoire. On a vu que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu recherchait le bien et il n'allait pas faire tout ce trajet pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans sa mosquée une prière surérogatoire, mais plutôt une prière obligatoire, car la récompense est plus grande. Et ainsi, il priait avec son peuple dans leur mosquée, et qu'il, non, il n'est pas concevable que Mu'adh ibn Jabal prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans sa mosquée une prière surérogatoire, et qu'il prie dans la mosquée de son peuple une prière obligatoire. Cela n'est pas logique. Et l'imam ibn Hazm, rahimahullah, a défendu cet avis et a répondu à l'ensemble des preuves du premier avis, à savoir le premier avis qui dit que la prière de l'imam qui fait une prière surérogatoire avec derrière lui des gens qui font une prière obligatoire n'est pas valide. L'imam ibn Hazm, rahimahullah, a répondu à toutes les preuves bima laysa alayhi min mazid. Et l'imam al-Bassam, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, il a répondu d'une façon par laquelle l'on ne peut plus rien rajouter. ومن أدلة مصحح صلاة المفترض خلف المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود وهو في صلاته الثانية متنفل وليس في هذا مخالفة للإمام لأن المخالفة المنهية عنها في الحديث أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه فإنه بعد أن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال في إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلى آخره ومن المؤيدين لهذا القول شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. Et parmi les preuves de ceux qui disent que la prière de celui qui accomplit une prière obligatoire derrière un imam qui fait une prière surrogatoire est valide, parmi ces preuves, il y a le hadith rapporté par Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de la peur avec certains de ses compagnons. Il a accompli deux raka'at avec une partie de ses compagnons, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a salué. Le premier groupe est parti, le deuxième groupe est venu et a prié derrière le prophète sallam deux raka'at, puis le prophète sallam a salué. Ici, le prophète sallam a prié avec combien de groupes? Deux groupes. Chacun des groupes a prié derrière le prophète sallam une prière obligatoire. Le premier groupe a prié derrière le prophète sallam la première prière. Pour le prophète sallam, elle était obligatoire. Pour le premier groupe, elle était obligatoire. La deuxième prière que le prophète a fait juste après, avec le deuxième groupe, elle était pour le deuxième groupe obligatoire, mais pour le prophète surérogatoire. Donc ceci est une preuve claire que cela est autorisé. Et maintenant, comment répondre à la preuve qu'il ne faut pas diverger avec l'imam? Fala tartalifu alayhi. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas dans cela une contradiction avec l'imam ou une divergence avec l'imam. Car la divergence qui est interdite dans le hadith, c'est de ne pas suivre l'imam dans ses mouvements, dans le fait de se lever et de se baisser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit إنما جعل الإمام ليؤتم به, l'imam est présent pour être suivi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il dit le takbir, faites le takbir. Dans une autre version, وَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا, lorsqu'il s'incline, inclinez-vous, lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Donc, ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam est présent pour être suivi et qu'il ne faut pas diverger avec lui et il ne faut pas le contredire, cela concerne les mouvements de la prière. Cela concerne les mouvements de la prière et ne concerne pas les intentions. Et Cheikh Al-Bassam dit, et parmi ceux également qui soutiennent cet avis, il y a Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, qui est le Cheikh de Cheikh Al-Bassam, mais aussi de Cheikh ibn Uthaymin, rahimahumullah. Ma yu'khadhu min al-hadith. أولا جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها. Premièrement, que il est autorisé à un imam de prier une prière surrogatoire et derrière lui les gens prient une prière obligatoire et que il n'y a dans cela aucune contradiction ou aucune divergence interdite. ثانيا جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى. Deuxièmement, qu'il est autorisé à un imam de prier une prière obligatoire et derrière lui, les gens prient une prière surérogatoire. Parce que là, tout le sujet a porté sur l'imam qui prie une prière surérogatoire, derrière lui, prière obligatoire. Pourquoi est-ce que cela pose problème? Car le fait d'accomplir une prière obligatoire n'est pas comme le fait d'accomplir une prière surérogatoire. Et là, si dans ce premier cas cela est autorisé, alors l'inverse est encore plus autorisé lorsque l'imam prie une prière obligatoire et derrière lui les gens prient une prière surrogatoire. ثالثا جواز إعادة الصلاة المكتوبة لا سيما إذا كان هناك مصلحة بأن يكون قارئا فيؤم غير قارئ أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده. Troisièmement, on retient qu'il est autorisé de recommencer une prière obligatoire. D'autant plus lorsque il y a dans cela un bénéfice, comme lorsque l'on est بأن يكون قارئا فيؤم غير قارئ, comme lorsqu'une personne lit le Coran et derrière lui personne ne lit, d'accord, ou bien de rentrer dans la mosquée après avoir prié seul et de trouver le groupe en train de prier, il prie avec eux dans le but de compléter le manque de sa première prière. Celui par exemple qui prie chez lui seul puis se rend à la mosquée, comme cela est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière du Fajr, où le prophète sallam a prié et a vu deux hommes assis au fond de la mosquée. Le prophète sallam a dit « Ma nahakuma, qu'est-ce qui vous a empêché de prier ?» Ils ont dit « Oh, envoyé d'Allah, nous avons prié dans nos maisons. » Et le prophète sallam a dit « Lorsque vous voyez, lorsque vous entrez à la prière et que vous avez déjà prié, priez avec eux. » Priez avec eux. Et parmi les bénéfices de cela est que cela complète le manque de la première prière qui a été faite seule au lieu de l'avoir fait à la mosquée. Wallahu a'lam. Naam, akhi. Naam. Naam, si tu rentres, tu as prié une prière déjà à la mosquée et tu rentres dans un endroit ou dans une autre mosquée où les gens ne savent pas lire le Coran ou le lisent mal et te propose toi de faire l'imam, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ou est-ce que tu refuses parce que tu as déjà prié? Tu acceptes, c'est pour toi une prière surrogatoire et ça te permet de d'avoir une récompense plus grande, inshallah ta'ala. Afik. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.